Balzac dans l'intimité par George Sand. Un de mes amis qui connaissait un peu Balzac m'avait présenté à lui, non comme une muse de département, mais comme une bonne personne de province très émerveillée de son talent. C'était la vérité, bien que Balzac n'eût pas encore produit ses chefs-d'œuvre à cette époque. J'étais vivement frappé de sa manière neuve et originale, et je le considérais déjà comme un maître à étudier. Balzac avait été, non pas charmant pour moi à la manière de Delatouche, mais excellent aussi, avec plus de rondeur et d'égalité de caractère. Tout le monde sait comme le contentement de lui-même, contentement si bien fondé qu'on le lui pardonnait, débordait en lui. Comme il aimait à parler de ses ouvrages, à les raconter d'avance, à les faire en causant, à les lire en brouillon ou en épreuve. Naïf et bon enfant au possible, il demandait conseil aux enfants, n'écoutait pas la réponse, ou s'en servait pour la combattre avec l'obstination de sa supériorité. Il n'enseignait jamais, il parlait de lui seul. Une seule fois, il s'oublia pour nous parler de Rabelais, que je ne connaissais pas encore. Il fut si merveilleux, si éblouissant, si lucide, que nous nous disions en le quittant, « Oui, oui, décidément, il aura tout l'avenir qu'il rêve. Il comprend trop bien ce qui n'est pas lui, pour ne pas faire de lui-même une grande individualité. » Un beau matin, Balzac, ayant bien vendu la peau de chagrin, méprisa son entresol et voulut le quitter. Mais, réflexion faite, il se contenta de transformer ses petites chambres de poète en un assemblage de boudoirs, de marquises, et un beau jour, il nous invita à venir prendre des glaces dans ses murs tendus de soie et bordés de dentelles. Cela me fit beaucoup rire. Je ne pensais pas qu'il prît au sérieux ce besoin d'un vrai luxe, et que ce fût pour lui autre chose qu'une fantaisie passagère. Je me trompais. Ses besoins d'imagination coquette devinrent les tyrans de sa vie, et pour les satisfaire, il sacrifia souvent le bien-être le plus élémentaire. Dès lors, il vivait un peu ainsi, manquant de tout au milieu de son superflu, et se privant de soupe et de café plutôt que d'argenterie et de porcelaine de Chine. Réduit bientôt à des expédients fabuleux pour ne pas se séparer de colifichets qui réjouissaient sa vue, artiste fantaisiste, c'est-à-dire enfant au rêve d'or, il vivait par le cerveau dans le palais des fées. Homme opiniâtre cependant, il acceptait par la volonté toutes les inquiétudes et toutes les souffrances, plutôt que de ne pas forcer la réalité à garder quelque chose de son rêve. Puéril et puissant, toujours envieux d'un bibelot et jamais jaloux d'une gloire, sincère jusqu'à la modestie, vantard jusqu'à la hâblerie, confiant à lui-même et aux autres, très expansif, très bon et très fou, avec un sanctuaire de raison intérieure, où il rentrait pour tout dominer dans son œuvre, cynique dans la chasteté, ivre en buvant de l'eau, intempérant de travail et sobre d'autres passions, positif et romanesque avec un égal excès, crédule et sceptique, plein de contrastes et de mystères, tel était Balzac encore jeune, déjà inexplicable pour quiconque se fatiguait de la trop constante étude de lui-même à laquelle il condamnait ses amis et qui ne paraissait pas encore à tous aussi intéressante qu'elle l'était réellement. En effet, à cette époque, beaucoup de juges, compétents d'ailleurs, niaient le génie de Balzac, ou tout au moins ne le croyaient pas destiné à une si puissante carrière de développement. Delatouche était un des plus récalcitrants. Il parlait de lui avec une aversion effrayante. Balzac avait été son disciple, et leur rupture, dont ce dernier n'a jamais su le motif, était toute fraîche et toute saignante. Delatouche ne donnait aucune bonne raison à son ressentiment, et Balzac me disait souvent « Gare à vous, vous verrez qu'un beau matin, sans vous en douter, sans savoir pourquoi, vous trouverez en lui un ennemi mortel. » Son commerce était fort agréable, un peu fatigant de paroles pour moi, qui ne sais pas assez répondre pour varier les sujets de conversation. Mais son âme était d'une grande sérénité, et en aucun moment je ne l'ai vu maussade. Il grimpait avec son gros ventre tous les étages de la maison du quai Saint-Michel et arrivait soufflant, riant et racontant sans reprendre haleine. Il prenait des paperasses sur ma table, y jetait les yeux et avait l'intention de s'informer un peu de ce que ça pouvait être. Mais aussitôt, pensant à l'ouvrage qu'il était en train de faire, il se mettait à le raconter et en somme, je trouvais cela plus instructif que tous les empêchements que Delatouche, questionneur désespérant, apportait à ma fantaisie. Un soir que nous avions dîné chez Balzac d'une manière étrange, Je crois que cela se composait de bœuf bouilli, d'un melon et de champagne frappé. Il alla endosser une robe de chambre neuve pour nous la montrer avec une joie de petite fille et voulut sortir ainsi costumé, un bougeoir à la main, pour nous reconduire jusqu'à la grille du Luxembourg. Il était tard, l'endroit désert, et je lui observai qu'il se ferait assassiner en rentrant chez lui. « Du tout, me dit-il, si je rencontre les voleurs, ils me prendront pour un fou, et ils auront peur de moi, ou pour un prince, et ils me respecteront. » Il faisait une belle nuit calme. Il nous accompagna ainsi, portant sa bougie allumée dans un joli flambeau de vermeil ciselé, parlant des 4 chevaux arabes qu'il n'avait pas encore, qu'il aurait bientôt, qu'il n'a jamais eu, et qu'il a cru fermement avoir pendant quelque temps. Il nous eût reconduits jusqu'à l'autre bout de Paris si nous l'avions laissé faire. George Sand.